Les frères Corse, chapitre 6. Quoique nous fussions arrivés au commencement de mars à peine, le temps était magnifique et l'on aurait pu dire qu'il était chaud sans une charmante brise qui, tout en nous rafraîchissant, nous apportait cet âcre et vivace parfum de la mer. La lune se levait, claire et brillante, derrière le mont de Cagnes, et l'on eût dit qu'elle versait des cascades de lumière sur tout le versant occidental qui sépare la Corse en deux parties et fait en quelque sorte d'une seule île deux pays différents, toujours en guerre, ou du moins en haine l'un contre l'autre. À mesure que nous montions et que les gorges où coule le Tavaro s'enfonçaient dans une nuit dont l'œil cherchait en vain à pénétrer l'obscurité, nous voyons la Méditerranée calme et pareille à un vaste miroir d'acier bruni se dérouler à l'horizon. Certains bruits particuliers à la nuit, soit qu'ils disparaissent le jour sous d'autres bruits, soit qu'ils s'éveillent véritablement avec les ténèbres, se faisaient entendre et produisaient, non pas sur Lucien qui, familier avec eux, pouvait les reconnaître, mais sur moi, à qui ils étaient étrangers, des sensations de surprise singulières et qui entretenaient dans mon esprit cette émotion continuelle qui donne un intérêt puissant à tout ce qu'on voit. Arrivé à une espèce de petit embranchement où la route se divisait en deux, c'est-à-dire en un chemin qui paraissait faire le tour de la montagne et un sentier à peine visible qui piquait droit sur elle, Lucien s'arrêta. « Voyons, me dit-il, avez-vous le pied montagnard ?»« Le pied, oui, mais pas l'œil. »« C'est-à-dire que vous avez des vertiges ?»« Oui. » Le vide m'attire irrésistiblement. Alors nous pouvons prendre ce sentier qui ne nous offrira pas de précipices, mais seulement des difficultés de terrain. Oh, pour les difficultés de terrain, cela m'est égal. Prenons donc ce sentier. Il nous épargne trois quarts d'heure de marche. Prenons ce sentier. Lucien s'engagea le premier à travers un petit bois de chêne vert dans lequel je le suivis. Diamante marchait à 50 ou 60 pas de nous, battant le bois à droite et à gauche, et de temps en temps, revenant par le sentier, remuant gaiement la queue pour nous annoncer que nous pouvions, sans danger et confiant dans son instinct, continuer tranquillement notre route. On voyait que, comme les chevaux à deux fins de ces demi-fashionables, agents de change le matin, lions le soir, et qui veulent à la fois une bête de selle et de cabriolet, Diamante était dressé à chasser le bipède et le quadrupède, le bandit et le sanglier. Pour n'avoir pas l'air d'être tout à fait étranger aux mœurs corses, je fis part de mon observation à Lucien. « Vous vous trompez, » dit-il. « Diamante chasse effectivement à la fois l'homme et l'animal. » Mais l'homme qu'il chasse n'est point le bandit, c'est la triple race du gendarme, du voltigeur et du volontaire. Comment, demandai-je, Diamante est donc un chien de bandit? Comme vous le dites, Diamante appartenait à Orlandi, à qui j'envoyais quelquefois dans la campagne du pain, de la poudre, des balles, les différentes choses enfin dont un bandit a besoin. Il a été tué par un colonna. Et j'ai reçu le lendemain son chien, qui, ayant l'habitude de venir à la maison, m'a facilement pris en amitié. « Mais il me semble, dis-je, que de ma chambre, ou plutôt de celle de votre frère, j'ai aperçu un autre chien que Diamante. Oui, celui-là c'est Brusco. Il a les mêmes qualités que celui-ci, seulement. Il me vient d'un colonna, qui a été tué par un Orlandi. » Il en résulte que, lorsque je vais faire visite à un colonna, je prends Brusco, et que, quand au contraire, j'ai affaire à un Orlandi, je détache Diamante. Si on a les malheurs de les lâcher tous les deux en même temps, ils se dévorent. « Aussi, continua Lucien, en riant de son rire amer, les hommes peuvent se raccommoder, eux, faire la paix, communier de la même hostie. Les chiens ne mangeront jamais dans la même écuelle. » « À la bonne heure, repris-je à mon tour en riant. Voilà deux vrais chiens corses. Mais il me semble que Diamante, comme tous les cœurs modestes, se dérobe à nos louanges. Depuis que la conversation roule sur lui, nous ne l'avons pas aperçu. » « Oh, que cela ne vous inquiète pas, » dit Lucien. « Je sais où il est. »« Et où est-il sans indiscrétion ?»« Il est au Mucchio. » J'allais encore hasarder une question au risque de fatiguer mon interlocuteur lorsqu'un hurlement se fit entendre. Si triste, si prolongé et si lamentable que je tressaillis et que je m'arrêtai en portant la main sur le bras du jeune homme. « Qu'est-ce que cela ? » lui demandai-je. « Rien, c'est Diamante qui pleure. »« Et qui pleure-t-il ? » ?»« Son maître. Croyez-vous donc que les chiens soient des hommes pour oublier ceux qui les ont aimés ?»« Ah, je comprends, » dis-je. Diamante fit entendre un second hurlement plus prolongé, plus triste et plus lamentable encore que le premier. « Oui, continuai-je, son maître a été tué, m'avez-vous dit, et nous approchons de l'endroit où il a été tué. Justement, et Diamante nous a quittés pour aller au Mucchio. Le Mucchio, alors, c'est la tombe. Oui, c'est-à-dire... le monument que chaque passant, en y jetant une pierre et une branche d'arbre, dresse sur la fosse de tout homme assassiné. Il en résulte qu'au lieu de s'affaisser comme les autres fosses sous les pas de ce grand niveleur qu'on appelle le temps, le tombeau de la victime grandit toujours, symbole de la vengeance qui doit lui survivre, et grandir incessamment au cœur de ses plus proches parents. Un troisième hurlement retentit, mais cette fois, si près de nous, que je ne pus m'empêcher de frissonner, quoique la cause me fût parfaitement connue. En effet, au détour d'un sentier, je vis blanchir à une vingtaine de pas de nous un tas de pierres formant une pyramide de 4 ou 5 pieds de hauteur. C'était le Mucchio. Au pied de cet étrange monument, Diamante était assis, le cou tendu, la gueule ouverte. Lucien ramassa une pierre et, ôtant son bonnet, s'approcha du Mucchio. J'en fis autant, me modelant de tout point sur lui. Arrivé près de la pyramide, il cassa une branche de chêne, jeta d'abord la pierre, puis la branche, puis enfin fit avec le pouce ce signe de croix rapide, habitude corse s'il en fut, et qui échappait à Napoléon lui-même en certaines circonstances terribles. Je l'imitai jusqu'au bout. Puis, nous nous remîmes en route, silencieux et pensifs. Diamante resta en arrière. Au bout de 10 minutes à peu près, nous entendîmes un dernier hurlement. Et presque aussitôt, Diamante, la tête et la queue basse, passa près de nous, piqua une pointe d'une centaine de pas et se remit à faire son métier d'éclaireur. «